Toujours à l'occasion du 9 septembre, les membres des représentations du Programme mondial de l'alimentation, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et du Fonds des Nations Unies pour la population en Corée, Madame Chung Il-sim, femme du défunt Han Dong-soo, héros de la République, ont déposé le vide coron, les corbeilles de fleurs, devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu, avant de rendre hommage. Précédemment, les membres des représentations du Programme des Nations Unies pour le Développement et de l'Organisation Mondiale de la Santé en Corée ont déposé les corbeilles de fleurs devant les statues en bronze des grands hommes d'Ektusan.